Chapitre 4. César et Aimé devant l'église Saint-Séverin. Le père Antoine leur avait dit de prier Dieu. C'était la deuxième fois depuis deux jours que la même recommandation leur était faite, et cela les préoccupait beaucoup, parce qu'ils ne savaient pas prier. Pourtant, après s'être consultés, ils prirent congé de la marchande de vin, qui s'était montrée bonne pour eux, et se rendirent à l'église Saint-Séverin. Mais retenus par une extrême timidité, ils s'arrêtèrent devant le portail. Et là, le village collé sur les barreaux de la grille, regardèrent en silence les fidèles qui entraient et sortaient, leurs livres de messe à la main. Puis un mendiant assis sur un escabeau près de la porte et une mendiante, sa femme sans doute, qui se tenait sur un autre escabeau. L'homme était aveugle, d'après un écriteau qu'il portait sur la poitrine, mais nous aurions affirmé qu'il le fut réellement. La femme avait les poignets retournés, ce qui ne l'empêchait point de secouer avec une persistance effrontée, sous le nez des gens qui passaient devant elle, un large gobelet d'étain, dans lequel deux ou trois gros sous faisaient un tapage agaçant. L'homme gardait une immobilité de statue. Nos amis étaient là depuis quelques minutes, lorsque leur extérieur misérable excita la compassion de deux dames, lesquelles glissèrent dans la main d'Aimé une légère aumône. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda l'homme en se détournant. « On nous fait de la concurrence ?»« Si vous ne partez pas, ajouta la femme au poignet retourné, je vous tire les oreilles. » « Qu'est-ce qui vous a donné la permission de vous planter là et de recevoir les aumônes qui nous sont destinées ?»« Ça ne va pourtant pas déjà si bien, » ajouta-t-elle en regardant son compagnon. « Attendons la sortie de la grand-messe, toutes les dames du quartier y sont entrées. »« Peu, qu'est-ce que tout cela ?»« Le beau temps va les disposer en notre faveur et leur faire délier les cordons de leur bourse. »« Laisse-moi donc tranquille, elles vont rester là des heures à causer, à secouer leurs jupes, à encombrer le portail, de telle façon que les bonnes gens qui nous assistent les autres dimanches ne nous verrons seulement pas. C'est pas tout ça. Il y a déjà 100 fois que je te le dis et te le répète, ce sont les quêteuses de l'intérieur qui nous font du tort. On en fourre partout, c'est vrai, et des enjôleuses. Faut les entendre dire avec leur petite voix flûtée, « Pour les pauvres, on croirait qu'il s'agit de leurs propres intérêts, parole d'honneur. Avec tout ça, les sous qu'on leur donne ne tombent point dans nos gobelets. C'est une injustice, une indignité. Je le sais aussi bien que toi. Ça devrait être défendu. » Quand tu me chanteras toujours la même histoire, est-ce que j'y peux quelque chose, moi? Que veux-tu? On dit ce qu'on pense. Oui, mais c'est aux oreilles de monsieur le curé qu'il faudrait corner ça. En ce moment passait une dame. La mendiante secoua son gobelet. Combien t'a-t-elle donné? Demanda l'homme. 2 centimes, tout cela. Elle fait ce qu'elle peut, cette femme. Parbleu, c'est gêné. Tous les dimanches, tu as son offrande. Elle est jolie, l'offrande. Ça dépense trop pour sa toilette. Quand on n'a pas le moyen de donner plus de 2 centimes, on ne porte pas de robe de soie. Qu'est-ce que ça te fait? À moi, rien, je m'en moque. Mais ça vous révolte de voir ces choses-là. Il sortait un monsieur qui donnait le bras à une charmante jeune fille. La mendiante, s'enfonçant sous sa capeline et mettant ses poignets en évidence, prit un air piteux et dit d'une voix larmoyante. « Ayez pitié d'une pauvre femme qui ne peut se servir de ses mains, et d'un pauvre homme que le feu du ciel a rendu aveugle. » À votre âge, mes petits lecteurs, on doit sympathiser avec toutes les infortunes. Pour rien au monde, je ne voudrais vous froisser dans vos sentiments de charité ou vous mettre en garde contre la sensibilité si naturelle de votre cœur d'enfant. C'est pourquoi je vous prie instamment de ne pas juger des malheureux qui vous tendront une main suppliante d'après les êtres indignes d'intérêt qu'à mon grand regret je viens de vous présenter. Du reste, les enfants qui voudraient que leur pitié ne fût pas surprise quelquefois devraient se résigner à ne jamais faire l'aumône. Ce qui serait triste pour eux et cruel pour les pauvres. Donnez donc votre sou. Si par hasard un doute vous traversait l'esprit, dites-vous qu'il vaut mieux se tromper 10 fois que de laisser un seul instant une misère vraie sans être secouru. Encore un mot. Parmi les misérables, il en est qui sont jeunes et auxquels l'avenir promet de nombreuses années. À cela, il ne suffit pas de donner votre sou. Il faut encore les aider à sortir de la misère. C'est difficile. Cependant, on y réussit quelquefois, en s'adressant à leur intelligence, en leur indiquant les ressources qu'ils peuvent trouver en eux-mêmes, en leur inspirant de la confiance en Dieu et en leur destinée. Et croyez-moi, vous aurez plus de mérite à cela qu'à les combler d'aumônes jusqu'à la fin de leur jour. » Le monsieur et la jeune demoiselle qui sortaient de l'église laissèrent tomber quelques menues monnaies dans le gobelet de l'aveugle et dans celui de sa compagne. Puis mes amis, avec leur mine à la fois craintive et sauvage, attirèrent l'attention de la jeune fille. « Et ces pauvres enfants, mon père, dit-elle, ne leur donnerez-vous rien ? Voyez comme ils ont l'air timides. » Le monsieur donna 50 centimes à César, qui, au lieu de dire merci, se prit à rougir. L'enfant avait encore tout de fraîche dans l'esprit les paroles du père Antoine. Ah, ça vous autres, s'écria la mendiante, lorsque le monsieur et la jeune fille se furent éloignés. Allez-vous bientôt partir avec votre air timide ? Nous sommes venus pour la messe, dit Aimé, et non pour vous faire du tort. Il y paraît, pour la messe, vous l'entendez d'ici la messe, n'est-ce pas ? Allons, allons, quittez la place tout de suite, et faites en sorte qu'on ne vous revoie plus. Ou bien vous aurez de mes nouvelles. Se disant, elle s'était levée. Mes amis, effrayés, se sauvèrent en emportant le regret de n'avoir pu pénétrer dans l'église et prier Dieu pour l'enfant de la dame à la pièce dehors.